Bienvenue sur le podcast de Holo, c'est Mathieu et Valentin, donc les cofondateurs de Holo. Moi c'est Valentin et il y Et a. moi, c'est Mathieu. Voilà. En fait, donc le tout premier podcast, on avait lancé donc il y a quelques semaines de ça un appel sur les réseaux sociaux pour que vous nous posiez les questions que vous vouliez et qu'on y réponde sur ce premier podcast. Donc, eh bien. Donc on va enchaîner avec les questions dans le désordre. On a reçu à peu près une quarantaine. Donc on a fait une petite sélection et c'est parti. Voilà. Alors, première question. Comment avez-vous Comment lancé la avez-vous marque? lancé la marque? Tu commences? Ouais, donc on a commencé la marque en 2006 avec Mathieu. En fait, on s'était rencontrés à la base en études de communication. On était à Montreuil dans le 93. Quelques années après, on a toujours eu l'envie en fait de monter un projet artistique ensemble. Et plutôt que de se faire embaucher par une agence spécifique ou de bosser dans le monde de l'art ou d'essayer de se faire embaucher dans le monde de l'art, on a décidé de créer notre propre projet. Donc en 2006, en fait, on a monté une boutique en ligne de vente de t-shirts artistiques, on va dire, entre guillemets. On a monté cette marque-là en parallèle en fait d'un concours de création d'entreprise qu'on a gagné en fait par l'intermédiaire de jeunesse et sport, du service jeunesse et sport de Créteil dans le 94, qui s'appelait Défi Jeune. Et en fait, c'est un petit peu ça qui nous a permis de nous monter, parce que ça nous a fait un petit pécule, plus avec le prêt bancaire qu'on avait eu et nos maigres économies qui étaient l'équivalent de 2000 euros chacun. On a lancé la boutique en ligne avec, je crois, 6 Six modèles modèles, ouais. de t-shirts et l'équivalent de T-shirt. 1200 t-shirts, donc hommes et femmes, en sérigraphie, réalisés par des artistes qui étaient dans notre entourage, on va dire. Voilà. Ouais. Autre question, vous avez beaucoup réfléchi à l'image de marque, logo, concept, etc. Ou vous avez foncé et puis vous avez affiné avec le temps. Alors, au départ, il n'y avait pas vraiment d'image de marque parce qu'il n'y avait pas vraiment de marque. L'idée, c'était plus de faire justement des t-shirts un peu artistiques et engagés, entre guillemets. Et donc, il n'y avait pas vraiment de logo ni de marque à l'époque. On avait juste un site qui s'appelait holoshop.com parce qu'on avait quand même trouvé un nom pour ce fameux site. Mais la marque est venue un peu après. Enfin, le développement du nom Holo et du logo, etc. C'est venu après. En fait, on n'a pas arrêté d'affiner avec le temps, en fait, pour qu'aujourd'hui ça soit vraiment une entité à part entière et que ça soit vraiment une marque de vêtements. Je pense que ce qui est bien de souligner en fait, c'est que la marque Holo en fait, elle nous correspondait en 2006, mais aussi en 2010 et aussi en 2020. En fait, ça a juste évolué, on a juste grandi avec la marque et elle nous a correspondu en fait, à chaque étape de nos vies. En fait. Elle s'est adaptée en fonction de nos envies, en fonction de là où vous voulez l'amener et de nos personnalités qui se sont aussi un peu développées avec le temps, quoi. Voilà. Alors, autre question, combien de temps avez-vous mis avant d'être à l'équilibre et de pouvoir vous sortir un salaire? Très bonne question. Ouais. Bah ça, on a mis un peu de temps. On a démarré avec très peu de moyens, donc il a fallu quand même pas mal bosser pour arriver déjà à générer ne serait-ce qu'un peu de bénéfices. Et en fait, on réinjectait tout dans la boîte. Et ça, on a dû réinjecter pendant facile 5-6 ans sans se payer, Ouais. quasiment. On était au RSA. En On fait, on avait. travaillait aussi un petit peu à côté Ouais, quand on faisait. on Voilà. travaillait à côté, donc c'était un peu freestyle. Et franchement, ça a bien duré 6 ans sans qu'on se touche un salaire. C'est Et ça. en sachant que au bout de 6 ans, le premier salaire qu'on a réussi à se verser, c'était le montant du RSA. C'était 500 euros, Ouais, ouais. voilà. On a réussi à avoir 500 euros par mois au bout de 6 ans. Après, le but aussi, c'était de monter un projet dont les fondations étaient stables et qui puisse perdurer dans le temps, en fait. S'il y a des galères, on sait que voilà, on a mis beaucoup de trésorerie pour que la boîte ça puisse pas flancher comme ça, quoi. Et aussi le but c'était que ça soit pas une boîte qui soit fluctuante et que grosso modo tous les ans on puisse se dire qu'on peut peut-être se toucher un salaire un peu plus important, quoi. Voilà. Après, ce qui est important de souligner quand même, c'est que quand on a lancé la marque, on a pris plus de risques que si on devait monter une marque aujourd'hui. On a balancé donc 1200 t-shirts en sérigraphie, quoi. On a dû dépenser énormément d'argent, quoi. On a dépensé beaucoup d'argent. Ces t-shirts-là, ils sont restés pendant des fois 2 ans, une partie dans les armoires de nos parents, quoi. Et voilà, quand on a mal évalué le début, on a pensé que ça allait marcher plus vite. Donc voilà, les débuts ont été un peu compliqués. Et voilà, quoi. Après, on était plus jeunes, on avait à peine 25 ans, quoi, quand on a monté la boîte. Donc, Ouais, Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, ces 6 premières années-là où on ne se versait pas de salaire, bah, logique, on n'avait pas non plus de bureau. Donc les bureaux, c'était chez les parents de Valentin, les 3 premières années facilement. On est allé s'installer à Duroc, métro Duroc dans Paris, parce qu'on avait un pote qui nous a prêté gracieusement sa cave. Donc on avait les bureaux de Holo qui étaient au bout de 3 ans dans une cave. Donc ça a été que de la débrouille en fait. Les 6 premières années, c'était débrouillardise. Puis biceps, grosso modo. Comment vous choisissez les artistes? En fait, en 2006, c'était principalement des artistes de notre entourage. Disons que dans les premières années, on a été obligé de regarder dans les magazines, de faire appel vraiment à notre entourage, ou sinon d'aller voir dans les expos, en fait, directement pour choper des artistes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple avec les réseaux sociaux et principalement Instagram. C'est une source sans fin en fait d'artistes. Il y a des perles qui sont dénichables à tout moment et voilà quoi. C'est beaucoup beaucoup plus simple en tout cas qu'à l'époque quoi. Et on les choisit principalement par rapport à leur style graphique, par rapport à leur réalisation quoi. On va pas les choisir par rapport spécialement à leur notoriété ou quoi que ce soit quoi. On se base vraiment sur le style et l'esthétique quoi. Voilà. Et pour la petite histoire, quand on a commencé, vu que la marque n'était pas du tout connue, on s'est pris quand même pas mal de portes. Ça veut dire qu'on contactait des artistes. Beaucoup ne nous répondaient pas parce que voilà, la marque n'était pas encore très très imposée. On a quand même eu la chance à un moment dans l'histoire de Holo de rencontrer un artiste qui s'appelle Jean Julien, qui nous a permis ensuite, vu qu'on a fait une collaboration, une première collaboration avec lui, je crois que ça devait être aux alentours de 2011. Cette collaboration-là nous a ensuite ouvert pas mal de portes. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup plus de réponses ensuite d'artistes qu'on kiffait et avec qui on a pu bosser par la suite, genre Steven Harrington, ce genre de mec. Lucas Beaufort, Ouais. Coralie, Supakic, etc. Comment avez-vous trouvé vos usines et vos fournisseurs de tissus? Donc ça, c'est une Alors. grande question qui va être très longue à répondre. Ouais. En Parce que fait, alors pour les usines, vas-y, moi je fais la partie usine. vas-y. Parce que pour les usines, en fait, ce qui se passe, c'est que début de Holo, on faisait fabriquer en France, mais un peu comme tout le monde, on achetait des t-shirts de marques distributeurs, donc des t-shirts tout faits en fait, et on faisait sérigraphier ça à Montreuil. Au Lila, précisément, Au donc Lila. juste à côté de Montreuil. On a commencé à avoir ensuite des revendeurs qui revendaient la marque, et il a fallu qu'on professionnalise un peu la marque, et donc on a décidé de fabriquer au Portugal. Comme on a été mis en relation avec les usines au Portugal, on avait trouvé quelqu'un en France qui nous a fait le travail d'agent, en fait. Agent de production. Voilà. Lui était en relation avec les usines. Il nous a dit, les gars, si vous voulez, vous passez par moi. Je bosse déjà avec des usines au Portugal. Et au lieu de faire vos t-shirts sur des bases déjà faites de marques distributeurs, on va créer vos propres patronages au Portugal. Et vous aurez un t-shirt de bien meilleure qualité et avec vos propres patrons. Et donc tout a commencé via cet agent de production. Au fur et à mesure du temps, vu que la marque a grossi et vu que nous on a décidé aussi d'étendre les vêtements et de ne plus faire que du t-shirt, mais des chemises, des pulls, etc. On a été mis en relation directe avec les usines. On est allé au Portugal, maintenant on y va très souvent d'ailleurs. Et donc on a sur place rencontré un peu tous les gens avec qui on bosse aujourd'hui. Et maintenant ça fait facilement 10 années qu'on bosse avec tous. Avec tous les patrons d'usine avec lesquels on bosse. Pour le coup, ouais, c'est une relation de plus de 10 ans parce qu'on n'a jamais changé d'usine. On a plusieurs usines, mais avec qui on travaille vraiment depuis 10 années. Et donc on connaît en fait les patrons, on connaît les employés, on a vu les enfants grandir de ces patrons-là qui sont devenus des amis et qui ont à peu près dans les mêmes âges que nous, quoi. Les fournisseurs de Les tissus. fournisseurs de tissus, en fait, c'est les fournisseurs de tissus, c'est beaucoup plus simple, en fait, c'est que dans le textile, il existe des gros salons, en fait, où il y a des fournisseurs de tissus du monde entier, en fait, qui viennent présenter les nouvelles collections et même les anciennes, quoi. Et là, du coup, c'est essayer de trouver les perles qui se cachent dans ces salons qui sont immenses. Donc voilà, on se fait une petite sélection, après on se décide entre nous de ce qu'on préfère. Et que, voilà. Et puis pour être très transparent, bah l'un des salons les plus connus qu'on fait bah tous les 6 mois en fait, c'est Première Vision. Et où là il y a un nombre de fournisseurs de tissus qui est assez dingo. En sachant que nous, on source que des tissus européens. Donc, on va aller voir, pour Olo, en tout cas, on va aller plus sourcer des tissus du Portugal, d'Espagne, Et d'Italie d'Italie. surtout, ouais. Alors, ensuite, comment sont faites les impressions sur les vêtements, sérigraphie, digital, etc. Et bah, ça va dépendre des artworks. En fait, quand on fait des collaborations avec des artistes, tout va dépendre des artworks. Si l'artwork est assez simple et en aplats de couleurs, on va privilégier la sérigraphie. Mais si après les artworks sont avec des teintes, des dégradés, etc., on va privilégier le digital. En sachant qu'aujourd'hui, les progrès font que les impressions digitales sont vraiment nickel. Alors qu'à une certaine époque, ça, au bout de quelques lavages, ça commençait assez, enfin, ça commençait vraiment à passer. Là aujourd'hui, on a quand même une qualité pour le digital qui est quand même plutôt cool. Donc nous, on utilise toutes les techniques d'impression. Après, il y a même une autre technique qu'on utilise nous qui s'appelle la sublimation. On a aussi sur certains all-over, donc full motif. En fait, c'est un peu comme le système de l'offset, système de l'imprimerie. On met le tissu et le tissu est pris dans des rouleaux et ça imprime. Est-ce que vous vous seriez vu réaliser ce projet seul? Moi personnellement non. Je me serais pas vu le réaliser seul parce que je pense qu'avec Mathieu on a des personnalités complémentaires et des compétences qui à la base étaient proches parce qu'on était intéressés par le milieu artistique. Et en fait, moi j'avais des vraies compétences au niveau textuel, il avait plus des compétences au niveau graphique. Après on aimait les mêmes artistes, on aimait quand même le même univers et ça matchait bien ensemble quand on travaillait à l'école. En fait, d'être deux, ça a permis de quand il y a eu des moments de bas. Et donc, en fait, dans chaque une entreprise, c'est une aventure. Il y a des moments de haut et de bas. Et en l'occurrence, quand t'es deux, c'est rare qu'on soit à deux en Deux bas au en même moment. down, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, ça a permis qu'il y en a un qui repêche l'autre et qui repêche l'autre à chaque fois, surtout dans les premières années. D'être tout seul, ça veut dire que, en fait, c'est que quand tu broies du noir, t'es tout seul. Quand tu perds de motivation, t'es tout seul. Et c'est souvent là où tu lâches l'affaire, quoi. Donc là, d'être deux, ça a permis de se faire un balancier et vraiment qu'on avance jusque-là, quoi, je pense. Et moi, bah pareil. Les gens qui arrivent à monter des boîtes seuls, franchement, chapeau, parce que justement, voilà. C'est quand tout va bien, mais dès qu'il y a un moment un peu down, où c'est un peu compliqué bien à deux, justement, quand c'est vraiment un duo, c'est qu'il y a toujours l'autre personne qui va être là pour vous rebooster un peu. Donc c'est vraiment. Non, un binôme, moi je trouve que pour monter une boîte en binôme, enfin, c'est le must. Bon, après, nous, on est le bon exemple, ça fait 15 ans qu'on est en couple. Donc. Plus t'es en nombre, par exemple à 3, 4, plus ça devient bordélique, quoi, je pense, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va pas être d'accord avec ci, avec ça. C'est une histoire de concession, quoi. Si moi j'aime bien quelque chose et que Mathieu aime pas, il fera peut-être une concession. Moi pareil dans l'autre sens. Et en fait, on essaye d'avancer comme ça. D'être deux, ça permet aussi des complémentarités qui sont intéressantes. Et voilà, quoi. Voilà. Donc non, moi j'aurais pas du tout vu ce projet. Ouais, moi non plus. Tout seul, que ça soit sur celui-là ou peut-être un autre, quoi. Comment avez-vous trouvé des magasins intéressés pour distribuer vos produits? Alors, Alors, ça, c'est très bien raconté. c'est la fameuse On a fait plusieurs histoire. tournées, Ouais. on a fait plusieurs tournées commerciales. Ça a commencé, je crois bien, en 2008, hein. Mais l'élément déclencheur, c'est Citadium à Paris. Je dirais en 2008, on était à la limite d'arrêter. On avait pas mal de stock, on avait fabriqué 1200 t-shirts, il nous restait pas mal de stock, ça avait du mal, la marque avait du mal à décoller. Et on s'était dit, il faut quand même qu'on arrive à écouler pour récupérer un peu nos billes, il faut qu'on arrive un peu à écouler les t-shirts stockés. On a tenté d'appeler un grand magasin à Paris qui s'appelle Citadium, parce que qui ne tente rien n'a rien. Et on a appelé. Et on nous a passé au téléphone directement l'acheteur, donc coup de bol, des fois ça arrive. L'acheteur qui nous a proposé de le rencontrer, on l'a rencontré et il a acheté des t-shirts Olo, qu'il En a sachant revendu ensuite chez Citadium. qu'à l'époque on avait fait quoi? Genre peut-être une quinzaine de t-shirts différents, quoi, c'est tout Ouais. en fait. Et il s'avère qu'on a mis les t-shirts à Citadium sur un coup de cul, quoi, un peu on va dire. Et ça a hyper bien marché. Ça a été un peu un élément déclencheur. Ouais, ça a été l'élément déclencheur qui ensuite nous a fait dire bah on va louer une voiture, on va Voilà. prendre nos 15 modèles là qu'on a et on va sillonner toute la France pour aller voir des boutiques et leur présenter notre travail. C'est ça. On avait commencé, je me rappelle, par faire un petit peu la Normandie jusqu'en Bretagne. Et plusieurs fois, en fait, on a fait le Bretagne, Brest, genre jusqu'à Biarritz. On a fait un tour de France de 8 000 km en voiture et un tour de Belgique aussi et un petit peu de Suisse pour présenter justement à des magasins qu'on avait démarchés à la base par téléphone, justement ces t-shirts qu'on faisait. Les t-shirts, c'était t-shirts, sweat et je crois qu'il y avait peut-être il y avait un peu de quelques aussi, autres produits. Voilà. Et c'était drôle parce qu'en fait, on nous avait prêté la voiture du père d'un pote, on était parti avec lui, on a sillonné les routes de France, on dormait dans des campings sur le lino des potes, un petit peu partout quoi. Et ça a été une super expérience. 8000 km en un mois, à être un peu à l'arrache et tout. Et à l'issue en fait de cette tournée, bah, on a réussi à avoir pas mal France, de on a eu genre une, disons 35-40 revendeurs. Donc après voilà, il y avait de l'achat et aussi il y avait un peu de dépôt vente. Hein. Donc c'était le début, mais ça a été vraiment une rampe de lancement quoi. Ouais, ça a été la rampe de lancement qui nous a permis après, une fois qu'on a 35-40 points de vente, de voilà, de décrocher une agence. Et donc là aujourd'hui, on a une agence commerciale en France. Qui nous a fait vraiment développer le chiffre et le réseau de boutiques aussi quoi. Pourquoi le nom Holo? Alors le nom Holo en fait est directement en relation avec notre condition de départ, c'est-à-dire que comme j'avais dit un peu au début, on a commencé la marque avec rien, on n'avait pas ou presque d'économie, on a mis 2000 balles chacun dans l'histoire. 2000 euros chacun pour monter une boîte aujourd'hui, ça semble complètement fou, surtout vu là où on est arrivé aujourd'hui, mais c'est la réalité quoi. Et en fait, Holo, ça veut dire une cavité. Et en fait, ça représentait bien dans l'état dans lequel on était, c'est-à-dire pas beaucoup d'argent. Et le nom Holo, il est tombé vraiment à point nommé parce que vu qu'on a, dans les débuts de Holo, bossé aussi dans une cave, on nous mettait à disposition dans le 14e, qui était en terre battue, où il y avait l'électricité qui était branché à l'appartement d'un pote à nous en fait, sachant que Holo c'est cavité, qu'on a bossé dans une cave et que ça correspondait à l'état dans lequel on a un petit peu monté la boîte. Ouais, le nom il justifie vachement en fait. Holo c'est un peu on parle des boîtes américaines à l'époque qui commençaient dans un garage, bah c'est un peu ça quoi, Holo c'était dans la cave, dans un garage, directement en relation avec ça quoi. Et il s'avère aussi que donc là on a lancé un nouveau logo, il n'y a pas si longtemps que ça, et ça faisait hyper longtemps qu'on voulait le lancer, parce que en fait Holo ça représente aussi un visage, une sorte de personnage voilà, illustré, les lettres qui forment les deux O, les yeux, le L, le nez et le W, un peu un bout de cheveux quoi. Voilà, ça représentait bien aussi la marque, je trouve, le côté illustratif, le côté humain, le côté personnage quoi. Voilà. C'était quoi le déclic ou la chose qui vous a permis de vous lancer dans le projet, ce qui est passé dans votre tête pour vous lancer enfin? Bah le déclic, il n'y a pas vraiment eu de déclic. Enfin, il s'est fait sur les 2 ans qu'on a fait ensemble en BTS, vu qu'on était amené à bosser sur beaucoup de projets en binôme. On trouvait ça con qu'après le BTS, on se mette pas tous les deux dans un projet. Déjà, ça, c'était la base. Et après, on avait quand même beaucoup d'affinités avec l'art, tous les deux. Donc, on s'est dit, il faut qu'après le BTS, on trouve un projet commun autour de l'art. En fait, l'idée de base, tout est parti de là. Après, c'est vrai qu'on avait un peu des... Moi, personnellement, j'ai un peu de problème avec les cadres établis, avec l'autorité, avec ce genre de trucs. Et en fait, je me voyais hyper mal pour travailler dans une entreprise. Ou en tout cas, quand j'ai essayé de bosser dans des petits boulots, dans des petites choses, en entreprise, ça s'est pas hyper bien passé. Et voilà, quand on a décidé de prendre un chemin tortueux, un petit chemin de campagne pour essayer de construire un projet professionnel, quoi. Donc un chemin qui est plus difficile, mais qui correspondait mieux peut-être à nos personnalités, quoi. On avait déjà un parcours scolaire qui avait été un peu semé d'embûches, etc. Quoi. Donc, ouais, moi pareil, quelque chose que moi j'ai su aussi assez vite. C'est que même si j'étais amené un jour à bosser pour une entreprise avec un patron, etc. Dans tous les cas, je ne me voyais pas du tout y rester très longtemps. Après, c'est soit on a cette envie-là, soit on ne l'a pas. Hein. Mais moi, ouais, j'ai toujours eu envie vraiment de monter mon entité ou en tout cas de créer mon propre projet. En l'occurrence, le monter tout seul, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est compliqué. Et au-delà d'être compliqué, je pense que c'est beaucoup plus cool de trouver une personne avec qui le faire. Et ouais, voilà, je pense qu'en fait, tu l'as ou tu l'as pas. Moi, je dirais, voilà, je pense que dans mon cas, j'ai pas eu le choix, quoi. En fait, c'était soit ça, soit quoi, soit rien, en fait. Je me disais, voilà, il faut que je monte ma boîte. Parce que, voilà. Alors, ensuite. Comment faites-vous pour trouver la balance entre l'évident et le moins sûr? Alors ça, c'est vraiment la question Donc, on a kiffé salaud, cette question. On a adoré cette question. Je dirais que c'est jamais très évident. C'est toujours moins sûr. Moins sûr. Mais ce qu'il faut, c'est... En fait, ce que je trouve cool en fait, de travailler avec Mathieu en règle générale, c'est qu'on réfléchit un peu et on fonce très vite. Pour la petite anecdote, par exemple, quand on a monté les deux boutiques à Paris, c'est des projets qui ont été... On en a discuté, on est tombé d'accord en 5 minutes, on a visité quelques locaux, dès qu'il y a eu un coup de cœur, on l'a pris, en fait. Le projet des deux boutiques à Paris, de monter les boutiques, ou en tout cas de prendre la décision, c'est des choses qui se sont faites en prenant un verre, et puis on a réfléchi à ça, on s'est dit banco, vas-y, on y va, quoi. Ouais, on se met très peu de barrières. Dès que le truc nous fait kiff, on va pas mettre 40 ans à décider d'un truc. C'est vraiment la trame principale. En gros, c'est si t'es chaud, je suis chaud, quoi. Ouais, c'est ça. Vas-y. Si tu le sens, vas-y, on y va, quoi. C'est un peu pareil pour les films, un peu pareil pour les... Si on réfléchissait trop, par exemple, à un concept vraiment trop développé, machin, on réfléchit, 3 mois après, on y est encore, et on se dit toujours, ah ouais, mais en fait, ce qu'on avait dit avant, c'était tout pourri, et en fait, on le fera jamais, quoi. Donc c'est possible, on préfère y aller, et qu'on se dise après, genre 6 mois après, ah ouais, en fait, c'était pas fou, mais c'est pas grave, on l'a fait, quoi. Mais ouais, c'est jamais évident, ouais. C'est toujours un peu moins sûr. On le fait, nous. On va pas se prendre la tête à même penser aux conséquences ou machin. On se dit, allez, vas-y. C'est un peu pareil que dans les collections, au final, ou quelques années après, on va se dire, ou même la collection d'après, on va se dire, ah ouais, la collection d'avant, en fait, elle était pas dingue. Elle était bien, en fait, au moment où on l'a faite. Mais 1 ou 2 ans après, on se dit, voilà, c'est pas foufou, quoi. Mais voilà, quoi. Aujourd'hui, vous avez pris le parti d'un tournant écologique. Quelles sont les actions réalisées pour y arriver? Donc, ce qui se passe, en fait, c'est qu'entre 2008 et 2011, on faisait déjà, en fait, du coton bio, qui était labellisé GOTS. En fait, on a toujours été hyper intéressés par les questions environnementales, donc sociales, mais aussi environnementales. Et en fait, on faisait à l'époque tous nos produits vraiment en coton bio. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a dû arrêter. En 2011, on a pris la décision d'arrêter parce que d'une part, en fait, il y avait des problèmes de qualité. On était bien avant beaucoup, beaucoup de marques et la mode qui s'est lancée après et toutes ces questions environnementales qu'on voit aujourd'hui. Il y avait que quelques acteurs du bio. Il y avait un choix de tissu qui était très, très restreint. Les magasins qui nous revendaient à l'époque avaient eu des problématiques de qualité qui nous avaient fait remonter. Nous, on avait un choix restreint et les prix, mine de rien, étaient vachement élevés. Il s'était posé aussi à l'époque la question du commerce équitable, qu'on n'avait pas forcément non plus, parce que d'aller produire des choses en Inde et tout ça, ça ne correspondait pas forcément. On préférait rester au Portugal. Et voilà, quoi, on a pris la décision et de rester au Portugal et d'arrêter, en tout cas, le bio un temps. Le temps qu'on puisse dire que la qualité s'améliore ou que les prix baissent un peu et qu'on soit vraiment plus sûr du produit, quoi. Et en fait, on a relancé tous les produits, quasiment tous les produits en coton. On les a repassés en coton bio sur la collection de l'hiver dernier. Et c'est ça qui est cool parce qu'en fait, on en avait parlé avec Mathieu de cette volonté de repasser en bio parce que ça semblait complètement... fou et irresponsable en fait de rester sur du coton classique avec tous les problèmes qu'il y a au niveau des pesticides, avec les consommations d'eau qui sont déraisonnées, etc. quoi. Et ce qui est cool, c'est que quand on a parlé avec Mathieu, moi j'étais plus sur le truc de comment on va faire justement pour tout passer, et lui il m'a dit on s'en fout, on passe tout, peu importe les conséquences après financières, etc. On avisera, mais passons tout ce qu'on peut maintenant, en sachant que, bien entendu, le coton bio est plus cher que le coton classique. Et voilà, et donc du coup, tout est passé en coton bio, et pareil, labellisé GOTS. Ça, c'est pour l'instant, parce qu'on est à la recherche d'autres matières. On avait fait des recherches sur de l'ortie, il y a déjà peut-être presque 2 ans de ça, ça n'a pas vraiment abouti. Il y avait eu des champs de coton, des champs d'ortie justement qui avaient été faits en France, mais le producteur et le fabricant, en fait, ils n'ont pas réussi à monter le projet jusqu'au bout. On a fait sur la collection d'été des produits en lin, du lyocell aussi. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre en produits plus écologiques? On a de la laine recyclée qui arrive. Bah, donc, en fait, là, plus on avance J'ai l'impression plus les fournisseurs et les fabricants de tissus se bougent et C'est donc ça. recherchent de plus en plus justement. On a un choix qui est de plus en plus, qui est de plus en plus gros. Là, on a vu des marques qu'on connaît un petit peu sortir des produits en chanvre. Ça n'a pas du tout le même, la même le, que ça soit le chanvre ou le lin, ça n'a pas du tout la même image qu'en tout cas que ça en avait à l'époque. Et on est en tout cas beaucoup plus sûr des provenances, de la qualité. En tout cas, ouais, non, on va de plus en plus tendre vers des matières éco-responsables. Si jamais un jour on peut même sortir totalement du coton, Du coton, on le fera, c'est sûr. ça serait la meilleure des choses. Je pense que le coton, pour nous, ça reste une solution temporaire avant de trouver vraiment quelque chose de mieux et de plus écologique, quoi. Parce que le coton bio, même s'il n'utilise pas de pesticides et qu'il a une consommation d'eau plus faible et qu'il respecte des valeurs sociales et humaines, en fait, le problème, c'est que ça reste toujours du coton qui est fabriqué très souvent en Turquie ou très loin, quoi. Nous, le but, ce serait qu'on arrive à fabriquer quelque chose de local. Et après, au niveau des actions réalisées, en pleine recherche de conditionnement compostable, donc de polybag compostable pour emballer les produits. Et on travaille aussi depuis, ça c'est depuis assez longtemps, en fait on bosse avec des associations. Donc on avait bossé avec Emmaüs, avec Care, avec soit on redonne des vêtements, soit On fait des dons on fait des financiers. dons financiers, voilà. Et on avait commencé à bosser avec une association qui s'appelle Surf Rider, qu'on connaît très bien. Donc on a lancé un produit avec eux dont on a reversé l'intégralité des bénéfices pour la préservation des océans, des plages, voilà, ils bossent beaucoup sur la pollution marine. Et là, on se lance avec une autre association amie qui s'appelle Wings of the Ocean. Pareil, sur la préservation des océans, quoi. Ah oui, est-ce qu'il y a des nouvelles collabs prévues cette année? Eh bien oui, petite exclusivité, ça va sortir normalement fin septembre, mais on a une collaboration avec la marque normande Saint-James sur plusieurs pièces. Des pulls, des jerseys, un peu d'access, des bonnets. On n'en dit pas plus, mais en tout cas la belle collab qui arrive là en début d'année, c'est Saint-James. Voilà. Saint-Jamais, pas Saint-James. Ouais. Ouais. On s'est fait, nous, on s'était fait reprendre par le patron de Saint-James, justement. Saint-James, c'est vraiment Parce qu'on le appelait Rhum, ça quoi. Saint-James. Voilà, c'est le Rhum. Après, Saint-James, c'est en fait c'est la ville en Normandie qui s'appelle Saint-James. C'est un petit patelin en Normandie qui est juste à côté du Mont-Saint-Michel. En fait, la marque s'appelle du nom du patelin, quoi, tout simplement. Voilà. Et du patelin, ils vont nous tuer. Comment faites-vous pour créer vos collections? Alors ça, donc c'est tout un cheminement. En fait, tout part D'un thème. du moment en fait dans lequel on est, de la période à laquelle on doit créer la collection. On est dans un état psychologique particulier et en fait, on a des sujets qu'on aimerait bien traiter. Voilà, donc ça peut être des sujets qui sont liés à la société, à nos ressentiments, voilà, à la période, à l'année qu'on a passée, au dernier mois qu'on a passé, à nos envies pour plus tard. Et tout ça On arrive à sortir plusieurs nous thèmes. amène à un thème. Voilà, Ouais, on en on discute en. dans l'équipe et en fait on tombe d'accord sur un thème précis. Et ce thème précis, il est souvent lié en fait à un champ lexical qu'on va pouvoir utiliser. Et tout de suite en fait, dès qu'on a pensé à ce thème-là, on a le film, donc la vidéo qu'on va faire, qui nous vient tout de suite à l'esprit. Quelle est l'histoire qu'on va pouvoir raconter par rapport à ce thème? Ça peut être voilà une architecture qui nous vient, des images, des champs lexicaux. On va raconter peut-être l'histoire d'une personne, d'une personnalité. Voilà, donc on part de ça. On en dresse un mood board, un cahier de Tendance. tendance, on va dire. Donc avec des images qu'on va aller piocher sur Internet par rapport au thème choisi. Des inspirations de vêtements aussi. Et en fait, juste après, on en vient à dresser un plan de collection. De ce plan de collection-là, on cherche en parallèle, on s'est fait pendant des mois et des mois des sélections d'artistes qu'on a trouvées ici et là sur Internet. Généralement, par collection, il y en a bien une centaine qui ont été sélectionnés avant d'arriver à la fin à une quinzaine. On a sélectionné un peu plus de 100. Et de ce plan de collection-là, ensuite, on passe au design vraiment des pièces. En passant, donc voilà, nous on a travaillé avec beaucoup de stylistes par le passé. On va se faire un dossier technique en fait avec les pièces qu'on aimerait faire, qui sont liées souvent, bien souvent, au thème. On part au Portugal. juste après, une fois qu'on a le dossier technique qui est finalisé, qu'on a choisi aussi les tissus dans les salons, qu'on a commencé à travailler sur les détails des produits, on va au Portugal pour finaliser la collection. On y reste 5 jours. Et en fait, quand on revient ensuite en France, on va venir créer vraiment la collection graphique. Parce que Holo, aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est une collection, un peu de pièces à porter tous les jours, unies dans des belles matières, un peu casual entre guillemets, quoi. Mais où il y a toujours des petits détails ici et là qui sont bien choisis. Et une partie graphique qui est aussi en relation avec le thème. Et là où il y a tout un travail graphique et on est en relation directe avec les artistes. Et c'est surtout cette partie-là, là, pour ce qui est de la partie purement artistique. Là, pour le coup, parmi les 100 artistes qu'on a présélectionnés avant de créer la collection, on va en contacter une quinzaine parce qu'on sait déjà que le style de ces artistes-là correspondra à l'idée qu'on a des visuels. Des visuels aussi, souvent. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que nous, on est quand même... on gère vraiment la DA de la marque. Ça veut dire qu'en gros, on ne va pas acheter un artwork tout fait à un artiste. On a vraiment besoin de le guider. On aime son style, mais on va vraiment le guider sur ce qu'on aimerait qu'il nous fasse. Voilà, par rapport à ton style, voilà. On a pensé que tu pourrais nous faire ci, ça, ça. Voilà, on dirige quand même pas mal la partie artistique de la marque. Quitte à même, on la dirige même quasi totalement. C'est quand même très, très rare qu'on laisse l'artiste faire ce qu'il veut. Voilà, on ne sait pas, genre on a vu ça dans ton catalogue, et tiens, on va l'acheter quoi. On a vu ça sur internet, on trouve ça cool, mais nous on aimerait faire ça. Exactement dans ce style-là, voilà, on a cette idée. Voilà. En fait, c'est un vrai boulot de collaboration après avec les artistes pour la partie graphique des collègues. Voilà, pour qu'on arrive aussi à ce que nous on veut dans les visites. Enfin, on a beaucoup d'idées dans la tête, donc on veut juste que ça arrive à ce qu'on veut quoi. Et après, en fait, on passe aux photos, donc en intérieur et en extérieur, et au film. Et généralement, là, c'est pareil, on va diriger les réals, on va diriger les photographes pour arriver exactement à ce qu'on veut, quoi. En sachant que c'est souvent lié au thème ou à des références. Voilà, on va faire des références à tel film, tel réalisateur qu'on connaît pour essayer de se rapprocher de cet univers-là. Ou alors, voilà, on se laisse vraiment libre cours à tout ce qu'on veut, quoi. Quitte à ce que ça sorte complètement de la norme, quitte à ce que ça sorte... complètement de la tendance, etc. quoi. Bah on a fini. Ouais. On va peut-être pas rajouter de questions là. Je pense que. Non, c'est bon. Ouais, c'est bien. Allez. Je pense que là. On va conclure. Donc là, en fait, on a dit toute une série de questions. Ça pourrait s'éterniser, je pense, pendant des lustres, parce qu'on a énormément de choses encore à dire sur la marque. Peut-être qu'on organisera d'ailleurs à un moment donné un deuxième podcast ou alors peut-être un Insta Live peut-être avec vous pourrez nous poser peut-être les questions en direct. Là, c'était le premier. Sur ceux d'après, en fait, on va passer plutôt à notre entourage ou à des personnes qu'on aime bien pour nous parler un petit peu de ce qu'ils font. Ça restera pas que centralisé sur le vêtement, mais sur des projets entrepreneuriales de personnes qui ont fait des choses dingues sur des artistes, sur des photographes, enfin tous les gens qui peuvent graviter autour de Holo, que ça soit des musiciens, de toute façon des gens qui se sont lancés, qui ont complètement tout changé, qui ont décidé, je sais pas, de se lancer dans l'agriculture d'un coup, l'agriculture voilà, ou je sais pas, je pense que ça peut être hyper large et justement ce qu'on a envie justement par ce podcast là c'est de pouvoir toucher à tous les sujets qu'on veut quoi. Et bien, salut. Salut, hein. Quoi dire de plus? À toutes.